dernier temps de notre série « Que faire de nos morts ?» Aujourd'hui, le cimetière. Après avoir parlé lundi de la généralisation du cercueil, mardi dans le documentaire de l'invention du métier de thanatopracteur et hier des rituels de deuil, nous allons ce matin réfléchir à la question des cimetières et de notre cohabitation avec les morts depuis le Moyen-Âge avec Anaïs Quin qui a co-animé cette émission et cette série d'émissions avec nous et avec Guillaume Cuchet, il est professeur d'histoire à l'université de Paris-Est-Créteil, co-directeur du programme Transition funéraire en Occident de l'Antiquité à nos jours et auteur des Voix d'outre-tombe sur le spiritisme. Cécile Tréfort est également avec nous. Elle est professeure d'histoire médiévale à l'université de Poitiers. Elle a dirigé un ouvrage collectif publié aux presses universitaires du Midi, Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne. Et Michel Lowers est professeur d'histoire médiévale à l'université de Nice. Il dirige le CEPAM, un laboratoire du CNRS qui fait travailler ensemble préhistoriens, antiquisants et médiévistes. Ils ont travaillé ensemble autour de la question de l'humanité et des systèmes funéraires. Et il a participé à la fois au livre dirigé par Cécile Tréfort et il co-dirige avec Guillaume Cuchet et Nicolas Laubry ce laboratoire Transition funéraire, ce programme Transition funéraire en Occident de l'Antiquité à nos jours. Mais tout de suite, vous le savez, nous sommes jeudi et le jeudi, nous nous intéressons à la façon dont est enseignée l'histoire aujourd'hui avec la fabrique de l'histoire scolaire par Séverine Yattard. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Chaque jour de la semaine, un flux d'élèves venus de tous les coins de la France participe à l'une des nombreuses visites pédagogiques proposées par le musée d'Orsay. Ce matin, Sonia Brunel accueille une classe de seconde du lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois. Voilà, vous me suivez s'il vous plaît? Alors, une sculpture, elle est faite en quoi, votre avis? En bronze, très bien. D'un grand sculpteur qui s'appelle Carpo. Ça représente, alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Ça, tout le monde peut me répondre. Alors, mademoiselle, allez-y. On voit plein de gens entassés les uns sur les autres. Les ceux qui sont en bas, on a l'impression qu'ils veulent monter sur l'homme qui est assis. Oui, alors au centre, c'est qu'est-ce que vous voyez au centre du groupe? Un homme. Un homme, hein. Il est... Vous pouvez me le décrire, cet homme? Il est nu et il a l'air âgé un peu. Oui, il a l'air âgé, il est nu, il est debout, assis. Assis. Il est assis. Il fait un geste bien précis. Il tient sa tête? Oui, il tient sa tête entre les mains et il... Il s'endort. Et... Il s'endort, c'est pas un sommeil très apaisé, hein? Hein? Regardez ce qu'il fait avec ses mains. Il se les mange. Oui. Il les met dans la bouche. Mord ses doigts, hein, absolument. Il a faim. Ah, et donc, oui, absolument, il a faim, absolument, hein. Il a faim. Hein? Vous avez tout à fait raison. Et donc, il y a des enfants autour de lui, hein? Il y a combien d'enfants? Quatre. Quatre, hein? Deux de chaque côté, d'accord? Bien. Et les à droite, hein, enfin ce qui est à droite pour nous, il y a deux jeunes enfants. Il y en a un, il est au sol. Hein. Il est mort. Oui, il est mort, absolument. Et à gauche, hein, il y en a un qui est mourant. Et puis il y a le plus grand, hein, qui est un adolescent, hein, on va dire, qui est à genoux et qui a, vous avez vu, la bouche ouverte. Mm. Alors s'il a la bouche ouverte, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il parle à son... Il réclame, oui. En tout cas, il parle à son père. À son père, voilà. Donc, c'est un père et ses enfants. Est-ce que vous voyez dans quel lieu ils sont? Ils sont de prison. Très bien. Oui, ils sont en prison. Vous avez vu, regardez. Il a les fers aux pieds. Et regardez, là, les orteils sont très contractés. C'est un homme qui a peut-être froid. Bien, ils sont en prison, voilà. Alors, l'histoire, elle est terrible. Elle est inspirée d'un livre de Dante, hein, qui était le grand poète écrivain italien du Moyen-Âge. Il a écrit la Divine Comédie. La scène, en fait, là, elle se passe encore pour le moment sur Terre. Ugolin, c'est le nom de l'homme qui est au centre, est emprisonné avec ses enfants pour trahison. Et dans la Divine Comédie, la porte de la prison va être murée et ils sont condamnés à mourir de faim et de soif. Voilà. Et la fin est pire, puisque le fils aîné demandera à son père que quand ils seront tous morts, ben, voilà, de les manger. Voilà. Donc c'est, vous voyez, une scène alors, extrêmement terrible. Hein, et figurez-vous que... alors. Carpeau, Jean-Baptiste Carpeau, il a réussi. Hein, je vous dis, on apprend son métier en atelier, puis après on tente d'entrer à l'école des beaux-arts par le biais d'un concours, puis après on ira d'autres concours comme celui du prix de Rome. Hein, et si on a la chance d'être premier prix de Rome, eh bien on part 4 ans en Italie. Hein, c'est l'État qui va payer vos études. Ça c'est le dernier. Ça c'est une œuvre qui devait couronner les 4 ans passés à Rome. Bon, comment? Carpeau maîtrise le corps humain. Regardez tous les muscles du personnage. Vous voyez combien le corps est aussi langage. Il n'y a pas que le visage ici. Quand vous m'avez dit il dort, quand vous regardez ce visage, c'est un visage tourmenté. Regardez, il n'y a pas une parcelle du visage qui n'est pas en mouvement. Les sourcils, les cheveux, hein, les traits crispés. Tout ça participe au drame, oui. Et le front, oui, il y a aussi un front dégagé, très bien. Hein. Et puis tout le corps qui est en tension. Hein. On a vu les orteils, vous voyez. Eh bien, pour arriver à une maîtrise comme ça, hein, du corps, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait comme je vous ai dit, hein. Il a étudié les statues antiques, puis après on passait au modèle vivant, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut aussi que ces artistes connaissent ce qu'il y a sous la peau. Qu'est-ce qu'il y a sous la peau? Alors, voilà, ils vont étudier les squelettes. Il y a les muscles, absolument. Ils allaient à la morgue aussi, hein, pour voir les cadavres. Et puis, ils assistaient à l'école de médecine, hein, à des dissections. Voilà. Donc, ils connaissent comme un médecin, hein, le corps humain, dans les moindres détails. Simplement, ils n'ont pas à apprendre les noms. Voilà. Hein, c'est Degas qui disait qu'il n'avait pas besoin. Voilà. Les muscles, il les connaît, mais il ne connaît pas les noms. Peu importe. Mais, vous voyez, pour arriver à impressionner, hein, celui qui regarde, hein, voir comment ce corps est parfait, hein, il faut avoir une connaissance scientifique, une connaissance anatomique. Alors, on continue. Ça va? On va passer à encore d'autres sculptures. Un nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire préparé et réalisé par Séverine Liatard qui nous rattache à notre question de lundi, à savoir l'art et la mort, parce qu'on a évoqué avec une de nos invitées lundi la question de l'autopsie pour pouvoir permettre aux artistes de la Renaissance de faire des corps les plus parfaits possibles, mais aussi à notre sujet du jour avec nos invités de ce matin. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume Cuchet. Bonjour. Et bonjour à vous Cécile Tréfort. Bonjour. Bonjour Michel Loers, vous êtes avec nous depuis les studios de Radio France à Nice, qui vous accueille. Ugolin, c'est le tyran de Pise, tel qu'il est décrit dans la Divine Comédie de Dante. Il va finir aux enfers. Ce tyran de Pise, a-t-il quelque chose à voir? C'est presque une devinette avec notre sujet du jour, Michel Loers. À Pise, pour celui qui s'intéresse au cimetière, la question d'aujourd'hui évoque une autre réalité qui est celle du Camposanto de Pise. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion, c'est-à-dire je sais à qui je m'adresse en même temps. Donc ce grand cimetière organisé au cours du XIIIe siècle, qui est en fait un réaménagement d'un terrain funéraire qui se trouvait autour de la cathédrale et qui est réorganisé, réaménagé autour de murs, autour de sépultures monumentales, avec au centre une terre sacrée, comme l'est la terre des cimetières en Occident depuis le 10e et le 11e siècle. Mais une tout terre particulièrement plus sacrée que d'autres, d'une certaine voilà, façon. Voilà, sursacrée en quelque sorte à Pise, dans la mesure où une part de cette terre vient de Terre Sainte. Oui, elle vient de Jérusalem. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant dans le contexte d'actualité d'aujourd'hui, c'est que vous avez co-dirigé une rencontre, un colloque, Michel Lowers, avec Julien Loiseau, spécialiste du monde musulman, à Jérusalem. C'était il y a quelque temps. Et vous réfléchissiez ensemble avec d'autres chercheuses et chercheurs à cette question de la cohabitation des morts et des vivants, avec en ouvrant colloque en disant que les morts obligeaient les vivants, et plus particulièrement à Jérusalem, puisque vous citiez Walter Benjamin qui disait que plus qu'ailleurs à Jérusalem, eh bien planait un peu de l'air jadis respiré par les défunts. On peut commencer sur cette question-là, parce que cette question de Jérusalem, de ses cimetières, de cette terre sainte, évidemment, va horizonner beaucoup des questions qui vont intéresser les chrétiens d'Occident de la période médiévale, dont vous êtes un spécialiste, ainsi que Cécile Tréfort. Oui, absolument. Alors, sans vouloir solliciter l'actualité, il est certain que s'il est une ville où les cimetières sont très présents aujourd'hui, où ils ont même une présence, disons, oppressante, c'est bien Jérusalem. Alors, hors vieille ville, hors les murs, mais tout contre les murs, tout proche des murs. Alors, c'est une réalité ancienne que relevait déjà Chateaubriand, mmh, au début du 19e siècle, qui évoquait Jérusalem comme un cimetière au milieu du désert. Et il évoquait les maisons qui ressemblent à des sépulcres. On peut dire que cette présence forte des morts à Jérusalem autour de la vieille ville n'a fait que s'accroître depuis, que à côté de la colonisation des vivants, on a une colonisation par les morts, ou en tout cas une colonisation des vivants par les morts. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est quelque chose qui frappe tout voyageur. Cette présence des cimetières, et en l'occurrence des cimetières de population juive et israélienne autour de la vieille ville, et l'extension de ces cimetières de manière à marquer l'espace, à contrôler l'espace. On a là, je pense, un usage tout à fait fascinant pour l'historien d'une utilisation justement de l'espace funéraire, des lieux pour les morts dans un contexte politique tendu et dramatique. Oui, parce que d'une certaine façon, Cécile Tréfort, cette question de la sacralisation d'un espace dédié aux morts est une question que vous vous posez avec Michel Lowers et d'autres historiennes et historiens pour le Moyen-Âge et pour l'espace qui se christianise progressivement à partir de la conversion de Constantin et de la conversion de l'Empire. Quand va-t-on changer les pratiques funéraires ? Quand va-t-on installer les morts de manière différente de ce qu'ils étaient dans l'Antiquité ? C'est une question qui taraude, pourrait-on dire, depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, les historiens et les historiennes du Moyen-Âge, et où il y a de véritables débats pour pouvoir essayer de définir une véritable chronologie, pour définir des temporalités justement de cette création, cette invention de ce qu'on appelle le cimetière aujourd'hui, par exemple. Oui, alors effectivement, ça fait un certain nombre d'années que les historiens, mais aussi les archéologues, s'interrogent sur cette question, puisqu'il y a quand même une rupture assez nette entre l'Antiquité classique et le Moyen-Âge. On pourrait presque parler d'invention du cimetière, puisque, moins du cimetière chrétien, puisque entre l'Antiquité où les morts étaient rejetés à l'extérieur de l'espace habité... C'est-à-dire qu'on les mettait le long des routes, dans ce qu'on appelait des nécropoles, ou ce qu'on a appelé depuis des nécropoles, à l'extérieur. À l'extérieur des cités, mais effectivement le long des voies pour que les vivants puissent les voir et penser aux morts et éventuellement faire un certain nombre de rites. Et à la fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, on a une transformation progressive, un rapprochement des cimetières des églises ou des oratoires ou de lieux de culte, voire on commence à intégrer à l'intérieur des églises. Et cela fait, alors c'est à la fois une conséquence c'est un début, c'est une transformation complète du rapport aux morts, du rapport au corps aussi, dans le cadre du christianisme. Anaïs. Oui, parce que le cimetière, ce paysage de cimetière que l'on a l'impression, dont on a l'impression qu'il est multiséculaire, de ces tombeaux rangés, éventuellement agrémentés d'un arbre, de ces allées qui permettent aux visiteurs de circuler entre les tombes. Finalement, c'est un paysage de cimetière extrêmement récent, Cécile Tréfort, et ce moment du très haut Moyen-Âge que vous évoquez maintenant invente progressivement quelques codes de cimetière, mais à ce moment-là, on est très très loin d'une codification généralisée de ces endroits où l'on va déposer ses morts. Oui, alors ça se fait par étapes, évidemment. La première grande étape, c'est l'abandon de cimetières qu'on appelait en plein champ ou en rangée, qui étaient loin de l'habitat et des églises dans le haut Moyen-Âge, jusqu'au 7-8e siècle à peu près, et le rapprochement donc des cimetières, des églises qui deviennent paroissiales, donc à l'intérieur du village ou de la ville. Et puis après, la deuxième étape, c'est l'invention la création du rituel de consécration du cimetière, qui est une étape très importante, puisqu'à partir de ce moment-là, la terre du cimetière est réservée pour les chrétiens et exclue les autres. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire que cette terre n'était pas sanctifiée avant qu'elle... Non. Consacrée avant cette période-là. Non, dans l'Antiquité, on ne consacre pas. Et ensuite, dans les premiers temps chrétiens, manifestement, on consacre ou on bénit la tombe individuelle, mais pas forcément pas le lieu. L'espace. Voilà. Michel Lowers. Oui, ce que je voudrais dire, je rejoins, bien sûr, nous avons travaillé parallèlement, parfois en collaboration, Cécile et moi, sur ces questions-là. Donc, je vois complètement ce que vient de dire Cécile. Ce que je voudrais ajouter, c'est que la période médiévale est effectivement celle de la naissance du cimetière. J'expliquerai tout à l'heure. Vous avez fait un livre en 2005 qui portait ce titre, en l'occurrence. Le cimetière me paraît nécessaire pour parler de cette structure nouvelle. Le Moyen-Âge, c'est essentiellement une nouvelle organisation funéraire. Une nouvelle organisation funéraire par rapport à une longue histoire antique, et une organisation funéraire qui se caractérise tout d'abord, et il faut le rappeler, par l'inhumation. On sort d'une période où, alternativement, l'inhumation est un choix avec la crémation, voire avec l'exposition. Le Moyen-Âge, c'est l'époque de l'inhumation exclusive. Et puis ça s'arrête à un certain moment. Ça s'arrête à partir du 19e, 20e siècle, où on retrouve cette alternative possible entre l'inhumation et la crémation. Et puis l'organisation funéraire au Moyen-Âge, c'est deux choses très, très importantes. C'est une cohabitation des vivants et des morts, ce que Cécile vient d'évoquer à propos des villes et des villages. Désormais, les vivants et les morts vivent dans les mêmes lieux ou dans des lieux juxtaposés, qui se confondent souvent, qui se superposent, le cimetière au cœur du village. Et d'autre part, le cimetière médiéval, c'est l'articulation entre lieu sacré et espace funéraire. Et comme Cécile vient de le dire, c'est aussi là une histoire que nous essayons de reconstruire, de suivre, comment se fait ce lien entre le sacré et le funéraire. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette organisation funéraire générale qui s'impose en Occident renvoie ou participe à un système social nouveau, qui se met en place au cours de la période médiévale. Mais quand je parle ici de période médiévale, je l'entends au sens de Jacques Le Goff, du long Moyen-Âge, c'est-à-dire... Qui va jusqu'aux abords du XVIIIe siècle, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire, le long Moyen-Âge. C'est ça, jusqu'au XVIIIe siècle, le XIXe siècle. On a un basculement, disons, du système de la cité antique au système des communautés médiévales, les villages, les paroisses, donc une réalité tout autre par rapport à l'Antiquité qui se met en place et auquel réalité participe précisément la présence des morts au cœur de l'espace habité. Les morts sacralisés ancrent ces communautés d'habitants jusqu'à la grande transition funéraire, précisément du XVIIIe et du XIXe siècle, avec une relégation des morts à l'extérieur des espaces habités, et avec une nouvelle physionomie, un nouveau paysage pris alors par les cimetières qui correspond à ce qui a été évoqué à l'instant, c'est-à-dire les cimetières avec les chemins, les cimetières avec les cyprès paysagers. Qui sont très très loin des réalités médiévales sur lesquelles on reviendra peut-être. Peut-être aussi, Michel Lowers, des cimetières consacrés exclusivement aux morts et où les vivants ne peuvent exercer d'autres activités que celles de visiter leurs morts. C'est tout à fait important ce que vous soulignez là. Et effectivement, le cimetière médiéval, de par sa topographie, mais pas seulement de par sa topographie, est un cimetière qui est fréquenté quotidiennement par les vivants, un cimetière où un certain nombre d'actes importants pour les communautés sont faits, mais je pense que ça renvoie justement à la fonction du cimetière qui est celui de créer, de fonder la communauté, et une communauté qui est envisagée au Moyen-Âge comme étant une communauté des vivants et des morts, tout ça se faisant évidemment sous l'égide de l'Église, de ce que les historiens médiévistes préfèrent aujourd'hui appeler l'ecclésia pour éviter toute confusion avec l'Église moderne ou contemporaine. Oui, Cécile Tréfort, il y a des discussions entre médiévistes pour savoir justement quel est le moment où tout change. Michel Lowers nous explique que c'est un changement progressif, qu'il y a un certain temps, on utilise encore les champs tels qu'ils existaient à la période médiévale ou dans le premier Moyen-Âge, et puis qu'il y a progressivement effectivement création au cœur des villages, ou création de villages d'ailleurs autour de ces cimetières et de ces espaces sacrés. C'est intéressant de savoir que la période carolingienne, selon vous, compte beaucoup dans cette question-là, parce que il y a aussi un moment où on va s'intéresser en priorité à la présence de nos morts tout près des reliques des saints, par exemple, ou des personnalités sacrées. Et puis à un autre moment, dites-vous, Cécile Tréfort, où on pense que ces morts peuvent être intéressés, pour leur salut en particulier, par les prières des vivants. Et donc, il faut qu'ils soient près des endroits où on prie pour eux, ou qu'ils soient dans un endroit où on peut prier pour eux, donc tout près de l'enclos sacral, de l'enclos sacré autour de l'église ou du monastère, par exemple, Cécile Tréfort. Oui, effectivement, la période carolingienne me semble être un moment de basculement. Mais comme beaucoup de choses en histoire, et encore plus dans le domaine funéraire, je pense que ce sont des moments où apparaissent des choses qui ont été préparées à l'avance. Et donc, ça ne disparaissent pas forcément, voilà, les pratiques anciennes. Et donc, ça s'inscrit effectivement, comme le disait Michel, dans un temps long, avec des moments où, parce que des structures changent, là en l'occurrence c'est l'église carolingienne qui va renforcer ou créer un certain nombre de choses pour essayer d'encadrer au mieux la population. Mais justement, peut-être cette question des réglementations est intéressante. Il y a des interdits canoniques qui sont émis en 1614, mais avant, qu'est-ce qui réglemente ce qu'on peut faire, ne peut pas faire dans un cimetière? Qui peut y être enterré? Là, la question est vaste, parce que l'Église, on a l'impression qu'au Moyen-Âge, l'Église régente tout. Tout d'abord, il y a aussi la force de la communauté, la société, la communauté des habitants. Qui négocie avec l'Église. Pour toute une partie du Moyen-Âge, pratiquement jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on n'a pas de documentation qui précise, qui donnerait des tarifs, des droits, etc. Et puis la documentation canonique, les conciles ou d'autres choses n'ont pas forcément une portée directe, immédiate et généralisée. Donc, et on voit bien à partir des fouilles archéologiques qu'il y a beaucoup de situations très différentes. Donc à la strate collective et communautaire se rajoutent également des choix de peut-être individuels ou en tout cas locaux différents. Guillaume Cuchet, vous n'êtes pas médiéviste comme nos deux autres invités, mais vous participez avec Michel Lowers à ce nouveau programme et Nicolas Lobric qui vient d'être créé à l'École française de Rome, donc cette année, et qui dure jusqu'en 2021, un programme quinquennal qui s'intitule « Transition funéraire en Occident, l'Antiquité à nos jours ». Et c'est ce terme de transition funéraire qu'a déjà utilisé Michel Lowers tout à l'heure qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce que ces transitions funéraires nous disent des sociétés? Vous êtes êtes contemporanéiste, vous travaillez sur le 19e siècle en particulier, Guillaume Cuchet. Pourquoi ce terme de transition funéraire est-il utile pour comprendre ces moments de doute, pourrait-on dire, sur la façon dont on traite nos morts, l'endroit où on les pose, ce qu'on leur demande et ce qu'ils nous demandent en retour aux vivants? Oui, alors c'est une expression qu'on a empruntée à un historien qui s'appelle Régis Bertrand, qui est un grand spécialiste de ces questions, pour désigner les moments où les régimes funéraires dominants, à peu près stabilisés, connaissent des périodes de mutation. Et l'expression a été inventée, a été forgée pour désigner une autre invention du cimetière ou une autre phase de son invention progressive. C'est la naissance du cimetière moderne ou contemporain entre la fin de l'Ancien Régime et le début du 19e siècle, en gros entre 1770 et 1840. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'à la fois on arrête d'enterrer dans les églises, et il faut quand même avoir à l'esprit à quel point la proximité physique des morts était incroyable sous l'Ancien Régime. Quand on allait à la messe en 1750 à Paris, on avait des morts sous ses pieds, sur les combles, sous les toits, puisque souvent on stockait les eaux séchées dans les combles de l'église. Et puis on avait fini d'avoir peur des miasmes, définitivement. Là, on était vraiment immergé dans les morts, il y avait des odeurs terribles, le pavement était très irrégulier, donc c'était vraiment une proximité physique extraordinaire. Et donc on décide d'arrêter d'enterrer dans les églises, ça va se faire progressivement. En gros, après 1830, ça devient assez rare en France. Il y a quelques passe-droits encore, mais enfin, c'est relativement rare. Et puis, on décide ce transfert des cimetières à la périphérie des agglomérations, ce qui est une vaste opération urbanistique qui démarre dès avant la Révolution, puisqu'on estime qu'au début de la Révolution, il y avait à peu près la moitié des grandes villes de France qui ont déjà transféré, modifié leurs cimetières. Donc, c'est cette période de la transition funéraire moderne, c'est cette naissance du cimetière tel qu'on le connaît aujourd'hui, d'une certaine façon. Il a connu quelques évolutions depuis, et qui est si différent de celui décrit par mes collègues médiévistes. Anaïs Quin. Oui, et puis comme vous êtes médiéviste, vous bénéficiez d'une source malgré tout très importante. Cécile Treffort disait qu'on avait très peu de documents écrits sur cette question de la fréquentation des cimetières, de description même du cimetière. Il y a une grande source qui date de 1804, une grande enquête à l'échelle nationale qui, pour la première fois, va décrire ce paysage et ces pratiques funéraires dans ces lieux que sont les cimetières. Guillaume Cuchet. Oui, avant l'enquête, il y a eu un décret, le fameux décret dit de Prairial en 1804, qui rappelle qu'on ne doit pas enterrer dans les églises et qui demande qui aux communes... Qui fait la police du cimetière. Qui organise la police du cimetière et qui demande aux communes de transférer leur cimetière à la périphérie. Et derrière, on lance une grande enquête pour savoir, au fond, quel est l'état réel des cimetières. On le photographie à la sortie de la Révolution, c'est-à-dire au terme d'une période très difficile où les morts ont été un peu en déshérence. Et d'ailleurs, le culte des morts du 19e siècle sera en partie une réaction contre cette phase, ce traumatisme culturel qui a été la Révolution de ce point de vue-là. Et du coup, on a effectivement des archives assez nombreuses sur les cimetières du début du 19e siècle qui décrivent un paysage très très contrasté. Il y a vraiment de toutes sortes de situations. Et puis des particularités régionales aussi. Des particularités régionales. Et puis la grande nouveauté, ça va être le fait que ce décret de Prairial a prévu la possibilité de concessions funéraires. C'est-à-dire que dans ces nouveaux cimetières, on va pouvoir non pas acheter des terrains, mais se faire concéder des terrains publics sur lesquels bâtir des sépultures privées. Et ça va modifier complètement le paysage funéraire et les pratiques liées aux cimetières. Les fossoyeurs jouent au bowling. Tête de turc, tête de king. Vous avez fait assez vieux os. Place aux jeunes qui les morts nouveaux. Crâne qui roule et tourne boule. Le chapeau te couvrait la tête, une calotte, une casquette. Que vendais-tu à la sauvette, du Jésus ou de la courbette? Crâne qui roule et tourne boule. Le cimetière tiré du concept album de Johnny Hallyday, décédé hier, vous le savez tous, évidemment, comment ne pas le savoir, un titre composé par Gilles Thibault et pour les paroles, et Pierre Groscola, donc tiré de l'album Hamlet, en l'occurrence. Alors, cette question qui vient d'être tout juste évoquée par Guillaume Cuchet, Michel Lowers, de savoir ce qu'on fait des morts quand on les déplace, par exemple. C'est une question que j'ai découverte en vous lisant, vous et Cécile Tréfort. Ça n'est pas parce qu'au bout du compte, on sacralise cet espace près des enceintes médiévales, des enceintes sacrées, des églises ou des monastères, qu'on n'a pas le droit de bouger les corps, de les bouger, de les mettre ensemble, de les rassembler. On peut rassembler des ossements dans des sépultures communes, par exemple. C'est ce que j'ai cru comprendre, Michel Lowers. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est l'une des autres grands caractères du cimetière médiéval ou du cimetière au cours de ce long Moyen-Âge, que ces pratiques de manipulation des corps qui tranchent assez nettement avec ce qui se passait dans les périodes précédentes, où on pense à la société romaine, à la question de la violation des sépultures, l'interdit de toucher au corps du mort. Or, dans la terre des cimetières, les corps sont perpétuellement transformés. Alors, l'archéologie aujourd'hui, il faudrait même plus précisément dire l'archéothanatologie, une branche particulière de l'archéologie et de l'anthropologie biologique. Avec Henri Dudet en particulier et ceux qui travaillent avec lui. Tout à fait, c'est-à-dire ceux qui étudient les transformations du corps et des éléments qui se trouvent dans la tombe après le processus d'inhumation. Donc ces travaux montrent que c'est progressivement que ces transformations, ces manipulations prennent place. Dans un premier temps, on ouvre une tombe pour y placer un défunt quelque temps après avoir réduit, selon le terme technique, la sépulture, c'est-à-dire on rassemble les ossements dans un coin du sarcophage ou de la fosse. Ensuite, les corps sont simplement superposés. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ils se recoupent. Et on en arrive à l'époque du Moyen-Âge central, où le cimetière, cet espace composé de corps et d'ossements de corps, qui est continuellement labouré. Alors je pense que la grande erreur, et c'est la grande erreur qui était sans doute commise par beaucoup d'historiens et d'archéologues pendant longtemps, consisterait à penser que ce labour perpétuel des corps et des ossements indiquerait une absence de considération pour les corps des morts. Je pense que on a plutôt une autre modalité, une nouvelle modalité du rapport au corps mort qui se met en place, qui contribue à fondre les corps morts justement dans une communauté, mais il ne faut pas oublier que cette communauté, elle se fonde dans une terre qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, est une terre qui est désormais sacralisée, la terre du cimetière. On a d'ailleurs dans la langue latine un néologisme qui apparaît au XIIe siècle, c'est la notion de terra cimiteriata, la terre cimitériale. La terre cimitériale, c'est justement cette terre dans laquelle, par superposition, réduction, par mélange, les ossements, les corps de mort se mélangent dans cette terre qui est placée au centre de l'espace des vivants. Je pense qu'il y a une véritable fabrique rituelle de la communauté villageoise ou urbaine dans ces cimetières médiévaux. Et d'ailleurs, Michel Lowers. Pardon, Michel Lowers, oui, on entend bien que ce que vous décrivez est possible exclusivement à un moment où finalement cette fréquentation du cimetière est quasi quotidienne. On passe devant, on passe à côté, on se livre à des activités qui n'ont pas forcément grand-chose à voir directement avec le culte des morts. Il y a quelque chose qui change fondamentalement quand même, Guillaume Cuchet, lorsque les vivants se déplacent, c'est-à-dire lorsqu'ils quittent leur terre d'origine et qu'ils reviennent en pèlerinage, d'une certaine façon, sur les tombes de leurs ancêtres. Là, on a une solennité, finalement, qu'on ne trouve pas avant, consacrée dans cette visite annuelle, à l'occasion de la Toussaint, notamment, qui change aussi le caractère de ces lieux que sont les cimetières. Oui, ça va être une des grandes pratiques de la religion des morts du 19e siècle. À partir du moment où les cimetières ont été mis en périphérie, pour une part, pas tous, aller les voir, et on va de plus en plus les voir, suppose de se déplacer physiquement, et ça crée une sorte de nouveau pèlerinage que l'on fait en fonction des grandes dates du calendrier liturgique, mais aussi des dates de la vie privée, de la vie domestique. Et il y a une nouvelle ritualité, une nouvelle sacralité, d'une certaine façon, qui se met en place, qui a d'ailleurs un peu surpris l'Église au départ, et un peu surpris d'ailleurs le législateur, parce qu'on n'avait pas tellement prévu que le cimetière devienne un lieu de pèlerinage massif. Le nouveau cimetière moderne est créé pour des raisons avant tout sanitaires, pour organiser une combustion des corps plus rapide, avec un système de jachère de fosses tous les 5 ans qu'on renouvelle. Et puis, le législateur de 1804 n'a pas du tout prévu qu'une révolution culturelle énorme va se produire, qui a des racines au 18e et qui produit tous ses effets au 19e, et qui va complètement transformer à la fois l'application du décret et le rapport au cimetière. Une des questions que l'on peut se poser, Guillaume Cuchet, puisque vous avez travaillé sur le spiritisme, c'est, fait-il peur ce cimetière? C'est-à-dire, a-t-on peur des revenants? A-t-on peur des fantômes? Je disais hier que j'avais grandi face à un cimetière, que je passais mes soirées à regarder de la fenêtre de ma maison le cimetière pour voir si je voyais des feux follets apparaître. Est-ce que ces questions-là, par exemple, sont des questions qui interrogent l'homme moderne du 19e siècle ou la femme moderne du 19e siècle ou pas du tout? Si, beaucoup. C'est une question très sensible. Mais les hommes et les femmes du 19e siècle ne sont pas contemporains mentalement de ce point de vue-là. C'est-à-dire que dans les campagnes, vous avez un rapport aux morts de type ancien qui souvent perdure tout au long du 19e siècle, de crainte vis-à-vis des morts. Et on s'arrange pour éviter qu'ils ne reviennent. Et on prie d'ailleurs pour faire en sorte que Dieu les enferme dans l'au-delà et les empêche de sortir. Et puis au même moment, il y a toute une religion des morts nouvelles qui se met en place, qui est au contraire une religion très affective, de gens qui cherchent à maintenir des relations avec les morts en dépit de la séparation. Ça peut passer par des voies religieuses orthodoxes, mais ça peut aussi passer effectivement par des pratiques nouvelles comme le spiritisme qui arrive des États-Unis au milieu du 19e siècle. Et là, on a une communication organisée avec les morts, mais des morts qu'on ne cherche plus du tout à évacuer comme des revenants ou à empêcher de revenir, mais au contraire, qu'on cherche à soit retenir, soit à faire revenir. Pour une sorte de commerce, de dialogue perpétué avec ceux qu'on aime. Donc et tout ça se passe en même temps, c'est-à-dire qu'au même moment où dans les campagnes... Les deux régimes sont... C'est pour ça qu'on peut parler de transition, justement. Voilà, les deux régimes sont contemporains. Anaïs Quin. Oui, Cécile Tréfort, pour votre période du Moyen-Âge, la question de la visite au cimetière est très compliquée à appréhender. Comment arrivez-vous à savoir la façon dont les vivants habitaient ces cimetières? Alors, d'un point de vue religieux, de toute façon, comme le cimetière est intégré dans l'habitat et autour de l'église, la fréquentation est effectivement quotidienne pour aller prier, pour éventuellement venir sur la tombe. Mais là, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on la suppose. Ensuite, comme le disait Michel Lowers tout à l'heure, on a aussi toute une série d'activités qui prennent place dans le cimetière. Parce que, par exemple, en espace urbain, c'est souvent un des seuls lieux libres. Et donc, on y tient des marchés. Il y a une telle densité d'habitat que le cimetière devient un lieu de rendez-vous, comme une sorte de place, endroit. Une sorte de place. On y tient des marchés, on y prend des décisions collectives importantes. Donc, on y trouve des traces de ces activités marchandes, alors, par exemple. Parfois. Alors, marchandes, non. Mais, par exemple, on a pu trouver, par l'archéologie, des silos pour stocker des grains. On parle même, dans un certain nombre de textes, de cimetières habités, c'est-à-dire qu'il y a des maisons qui sont installées, et donc il y a une proximité entre les morts et les vivants, proximité physique et proximité spirituelle, qui est absolument incroyable pour un esprit contemporain. La pensée des morts passe aussi par autre chose que la vue de la tombe, elle passe aussi par toute la célébration liturgique qui est extrêmement importante et qui vient finalement compléter le dispositif mémoriel que représente la tombe et éventuellement une épitaphe, une croix, etc. Donc on a Mais pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Et la tombe, pour une grande part des sépultures du Moyen-Âge, ne sont pas marquées de manière pérenne ça peut être un petit tumulus, par exemple, de terre sur lequel qu'on entoure avec des petits cailloux, par exemple, oui, pour la période carolingienne. Même après, on peut avoir des dispositifs très, très, très simples. Très sobres. Le tumulus, donc ce tertre qui est créé par la terre qu'on remue et qui va ensuite progressivement s'affaisser et qu'on ne relève plus. Véritablement un champ de mort d'une certaine façon. Voilà. C'est-à-dire que rien ne singularise l'emplacement du mort du reste du champ dans lequel il est enterré. Au moment de la stratification des générations, finalement, les plus anciens. Alors, peut-être que dans la mémoire de la communauté qui vit sur place, on garde le souvenir de l'emplacement. Mmh. Et ça, on le voit très bien aussi avec des études ethnologiques sur les périodes très, très contemporaines. Des études qui ont été faites sur le 19e qui montrent bien que le fossoyeur connaît parfaitement sa terre et la vitesse de dégradation des corps et que les familles connaissent parfaitement là où est enterré le grand-père, l'arrière-grand-père et l'arrière-grande-tante. Oui, on peut d'ailleurs le savoir pour des moments de sépulture de catastrophe comme pendant la guerre en Espagne, on sait très bien que les gens continuaient à aller fréquenter leurs morts d'une certaine façon sans pouvoir revendiquer l'endroit où ils étaient parce que simplement c'était des républicains qui avaient par exemple été tués par des franquistes, mais ils venaient tous les ans déposer des fleurs dans cet endroit qui n'avait aucune marque. Il y a une mémoire du lieu qui va au-delà du marquage visuel. Et ensuite, donc, tout ce qui concerne la prière, les commémorations diverses et variées. Michel Lowers. Oui, par rapport à ce que Cécile vient de dire, je suis entièrement d'accord avec ses propositions. Je pense que la question que posait Anisquin de la visite au cimetière et des tombes ou des morts auxquelles on vient rendre visite ne se pose pas en ces termes dans la période médiévale. Elle se pose précisément à partir du 18e, 19e siècle, dans la nouvelle configuration que Guillaume a décrit auparavant. On a une présence, effectivement, des morts au milieu des vivants, mais qui ne passe pas nécessairement par l'identification d'individus particuliers auxquels il faudrait rendre visite. Alors, cela dit, je parlais tout à l'heure de communautés médiévales. Ces communautés sont effectivement aussi très, très, très hiérarchisées. Et il est évident que certaines sépultures, ceux des saints d'abord, ceux de l'aristocratie ensuite, se distinguent, ont un traitement particulier, et en particulier peuvent se trouver dans l'église plutôt que dans le cimetière. Mais l'idée de la visite à des défunts particuliers est une idée que je pense datée plutôt du 18e, 19e siècle. Je voudrais aussi rajouter, c'est que ce qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel Laurentin à propos du cimetière qu'il voyait depuis chez lui, c'est précisément ce que Michelet décrit. Michelet décrit son enfance. C'est pour ça que j'aime beaucoup Michelet. De cette manière-là, il a d'abord vécu, dit-il, à la porte du Père Lachaise, ensuite vers la Bièvre, et ses promenades, c'était le cimetière. Ses amis, c'étaient les morts. Ouais. Hiérarchisation, on disait à l'instant, Cécile Tréfort disait Michel Lowers, il y a aussi ceux qui n'ont pas le droit d'être dans cet espace sacré, en l'occurrence Cécile Tréfort, il y a tous ceux qui ne peuvent pas entrer dans cet espace sacré du cimetière. Qui sont-ils d'ailleurs? Parce qu'il y a ceux qui ont le droit à être enterrés dans l'église, des nobles ou des saints, et puis il y a ceux qui, par exemple, ne peuvent pas rentrer même dans l'enclos du cimetière. Alors effectivement, à partir en particulier du moment où le cimetière est consacré, on a à la fois une inclusion des bons chrétiens et une exclusion soit de ceux qui ne sont pas chrétiens, à savoir tous ceux qui ne sont pas baptisés, donc les juifs, les enfants non baptisés, mais aussi les excommuniés et des excommuniés ou les mauvais chrétiens. Et donc là, sur cette question des mauvais chrétiens, c'est intéressant parce que qui est l'arbitrage c'est l'autorité ecclésiastique qui a un certain nombre de catégories on voit bien la liste des gens qui sont exclus du cimetière qui se formalise progressivement et qui se précise progressivement jusqu'à arriver à vraiment des à la fin du Moyen-Âge ou l'époque moderne, quelque chose de très fort. Guillaume Cuchet, cette hiérarchisation, c'est ce qu'on remarque quand on visite ces grands cimetières modernes que nous connaissons tous aux abords de nos villes. C'est vrai qu'au Père-Lachaise, il y a ceux qui ont des grandes tombes, et puis il y a ceux qui n'ont pas de sépulture ou qui ont été enterrés à la fosse commune, par exemple, même si l'individualisation de la mort dans les cimetières modernes est de plus en plus fréquente. Oui, dans le cimetière du 19e, il y a à la fois un partage confessionnel de l'espace, qui va être supprimé en France en 1881 par la Troisième République, et qui va homogénéiser en théorie cet espace. Et puis, il y a effectivement un partage social, parce que dès lors que les concessions funéraires qui sont commercialisées se répandent, à ce moment-là, une partie croissante des défunts bénéficie d'une sépulture de ce type, qui est plus ou moins durable. Et puis, une majorité de Français continue d'être enterrés dans ce qui ne sont plus des fosses collectives, mais ce qu'on va parfois appeler des tranchées collectives, parce qu'on les superpose plus, on les met plutôt les uns à côté des autres, ce qui n'empêche pas, là encore, je rejoins un peu ce que disait Cécile Tréfort, que les gens pèlerinent sur les tranchées collectives, ils savent où dans la tranchée sont enterrés les leurs. Ah oui. On le voit très bien sous le Second Empire, c'est vraiment l'époque où le pèlerinage dans les cimetières devient massif. Et la presse en parle tous les 1er de novembre, y compris à Paris, qui est une ville pas très pieuse, pas très religieuse, tout le monde va sur ses tombes. Et bien, les gens vont sur les tranchées collectives, sur lesquelles ils ont disposé un certain nombre d'indices et de signes de reconnaissance. Pourtant, c'est le siècle, ce 19e siècle, où progressivement, on va en arriver à la laïcisation des cimetières. Donc, on va changer l'autorité, la main de l'autorité. Qui gère ces espaces. L'Église va être écartée d'une certaine façon, même pas d'une certaine façon, franchement, de la responsabilité de ces lieux. Oui, c'est une sorte d'espace partagé entre l'Église et les autorités civiles. Et après, à partir de 1881 en France, le cimetière est laïcisé. Donc concrètement, il l'est plus ou moins d'ailleurs, en fonction des régions, des contextes. Mais concrètement, on enlève parfois des croix centrales de cimetières. Au Père-Lachaise, par exemple, on supprime les signes religieux qui sont sur le portail. Il en reste quelques-uns à l'intérieur quand même. Mais de toute façon, l'espace lui-même, de par les concessions et les tombeaux privés, est extraordinairement religieux. Il y a une forêt de croix dans tous ces cimetières, qui fait que si le carré lui-même n'est plus béni dans sa totalité, en réalité, il y a une resacralisation par les tombes privées qui est très massive de cet espace, qui est très loin d'être désacralisé au 19e et au 20e siècle. Tout à l'heure, Michel Louers évoquait les mutations contemporaines et ces transitions sur lesquelles vous travaillez avec lui depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Vous allez même jusqu'à réfléchir effectivement à ce que disait Michel Louers, c'est-à-dire la cohabitation nouvelle, de nouveaux modes de relations aux morts, en particulier le développement de la crémation. Aujourd'hui, Guillaume Cuchet, qui change justement la place même de ces cimetières, qui oblige à les réaménager de façon différente, à créer des columbariums, à imaginer des endroits pour pouvoir justement avoir une relation aux morts différente de l'enterrement. Tout cela, ça fait partie de la nouveauté aussi des transitions modernes, pourrait-on dire. Oui, la crémation, elle est légale en France depuis 1889, mais elle est restée très marginale pendant très longtemps. Ça représente encore 1% des décès en 1980, donc il y a 30 ou 40 ans, et ça a décollé ensuite très massivement, puisqu'aujourd'hui c'est à peu près un tiers des décès, et la moitié dans les grandes villes. Donc ça transforme profondément le rapport aux morts et aux cimetières, et notamment commence à se poser une question nouvelle, qui est plus spécifique de la transition contemporaine, qui est la question de savoir si devaient se développer les pratiques de dispersion des cendres, notamment dans la nature, si les morts continueraient à avoir un espace propre, comme ils en ont eu un jusqu'à présent, alors probablement que les cimetières ne vont pas disparaître, mais on va vers une sorte de système plus pluriel, plus éclaté, il y a eu un document récent d'ailleurs de l'Église catholique qui s'inquiète de ces dispersions de cendres, en se disant au fond, qu'est-ce que ça va changer au deuil, par exemple, que de ne plus avoir d'espace spécifique des morts. Si la mémoire des morts n'est plus portée que par les individus privés et les familles et n'est plus enracinée dans un territoire, elle ne survivra pas aux individus eux-mêmes, c'est-à-dire que la profondeur généalogique va se raccourcir. Bon, il y a toute une série de conséquences anthropologiques évidemment très fortes, et ça, c'est la mutation dans laquelle nous sommes embarqués, sans trop savoir de quoi est le symptôme ni elle nous emmène, mais on y est résolument en tout cas. Oui, anthropologique, c'est un terme qu'il faut absolument utiliser quand on travaille Michel Axel Lewers sur ces questions, parce que effectivement, ce sont des mutations anthropologiques de longue durée qui parfois saisissent ou surprennent l'historien, brièvement. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous intéresse justement dans cette recherche sur les transitions funéraires, c'est d'essayer d'examiner des phases longues, des phases de bascule d'un système funéraire à l'autre, c'est-à-dire un ensemble de représentations et de pratiques faisant système, faisant structure, qui s'avèrent le plus souvent d'ailleurs être des systèmes sociaux qui renvoient à l'ensemble des structures sociales. Ce qui veut dire qu'il n'est peut-être plus pertinent d'examiner les changements funéraires en termes de rupture mécanique, renvoyant, comme on le faisait jadis, à une cause exogène du type l'arrivée des barbares, mmh. l'introduction du christianisme. C'est bien la société qui bouge en entier mmh. et que reflètent ces transitions longues. Merci à vous, Michel Lover. Je voudrais terminer par une des épitaphes que vous avez rassemblé dans un recueil collectif, Cécile Tréfort, pour une exposition à Mel, qui est dans ma région d'origine, dans le Poitou. C'est une cité donc carolingienne des épitaphes. Qui que tu sois qui veut parcourir ces pierres, sache que Dalcisius, paré de l'honneur sacerdotal, quittant cette vie imparfaite aux ides de janvier, est parti aux cieux, comme nous le croyons, prier le Seigneur pour le poids de ses péchés, lui dont les membres gisent en ce lieu. C'est un magnifique recueil de plusieurs épitaphes remarquables de l'époque carolingienne, c'est cela, Cécile Tréfort? Oui, alors effectivement, il s'agit d'une exposition qu'on a fait autour d'un ensemble d'une dizaine d'épitaphes carolingiennes. Les épitaphes carolingiennes sont rares, mais il y a un certain nombre de textes qui sont absolument magnifiques et qui sont encore d'une très grande actualité. Donc, merci de les avoir cités. Merci à vous. Vous avez dirigé l'ouvrage des Presses universitaires de Midi, Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne. Et on peut citer, donc, et dans celui-ci, il y a donc le texte de Hervé Lowers. Et puis, je voudrais citer, parce qu'on a évoqué Jérusalem au tout début, un très beau travail d'Hervé Barbet, Hébron 1119, L'invention du tombeau des patriarches. Et pour ceux qui s'y intéressent, ils comprendront le lien direct avec non seulement l'actualité, mais aussi notre question du cimetière. Merci à vous encore à tous les trois d'être venus pour pouvoir nous parler de cette question du cimetière dans l'époque médiévale et contemporaine. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Juliette Delperroux était avec nous à la technique ce matin et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Demain, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Nathalie Zemon-Davis, très grande historienne, qui dialoguera avec des jeunes historiennes contemporaines à propos d'un article qu'elle avait écrit il y a maintenant une vingtaine d'années en anglais, qui vient tout juste d'être traduit dans la revue Tracé. Donc, c'est un article où elle évoquait la place des femmes dans la revue Les Annales, la revue d'origine des Annales, c'est-à-dire celle des années 20 et 30.